Bonjour Emmanuel, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. En attribuant la domination à l'homme seulement, en tant qu'étant de sexe supérieur, certains ont mal raisonné. Je suis peut-être pas le fils dont t'as rêvé, mais je suis pas non plus ton clébard. Je n'y vais pas par quatre chemins, j'appelle ça le patriarcat. Nul n'est plus arrogant à l'égard des femmes qu'un homme inquiet de sa virilité. Une bonne fois pour toutes, une fille sur un vélo, c'est pas beau. Que peut-on faire au nom du père ? Pourrait-on, par exemple, penser tout un ordre moral, social et politique ? Pourrait-on imaginer des lois, des gouvernements, des usages ? Pourrait-on, pourquoi pas, même tout accepter et tout justifier au nom de ce père, au simple nom du père ? Parce que le père est plus qu'un nom, eh bien on a mieux fait que ça, mieux que penser ou imaginer, on l'a créé. Le patriarcat. J'ai l'impression que malgré tout, depuis des milliers d'années que l'on s'intéresse aux arts ménagers, l'outil le plus parfait, le seul outil qui ravaude, qui lave, qui épluche les pommes de terre, qui soigne les enfants et qui sourit à son mari, c'est la femme. Alors n'hésitez pas, achetez une femme. Il existe plusieurs modèles que nous serons heureux de vous présenter sur les grands boulevards et les grandes avenues de Paris. Achetez une femme, vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Manon Garcia. Bonjour. Vous êtes philosophe, junior philo à la Society of Philos de l'Université de Harvard. Vous êtes l'auteur d'un essai remarqué paru à la rentrée en septembre dernier. On ne naît pas soumise, on le devient, paru aux éditions Climat Flammarion. On vient d'entendre un reportage qui date de 1965, tourné au 34e Salon des Arts Ménagers. C'était la voix de Pierre Tchernia qui faisait la promotion des femmes. Une femme bonne à tout faire. C'est ça la définition du patriarcat ? Je ne sais pas si c'est la définition du patriarcat, mais c'est sans aucun doute une des grandes composantes du patriarcat que de voir les femmes comme des objets qui s'échangent. C'est d'ailleurs ce dont parle Claude Lévi-Strauss dans Les structures élémentaires de la parenté, que c'est le bien numéro un, les femmes. Et donc c'est assez drôle, en fait, ce petit bout de reportage. Parce qu'on ne sait pas s'il est ironique ou pas, d'ailleurs, parce qu'il date de 1965. Oui, mais dans un cas comme dans l'autre... C'est très juste, c'est d'une extrême justesse. Après, ce qui est sûr, c'est que ça renvoie à cette composante du concept de patriarcat qui est le pouvoir des hommes en tant qu'hommes, plus que le pouvoir des pères en tant que pères. Mais c'est vrai que c'est très juste sur le fait que les femmes apparaissent aux hommes comme des objets. Le patriarcat serait plus une définition du statut des femmes dans l'espace domestique qu'une définition des hommes dans cet espace. Le patriarcat... C'est ce qui fonde justement la distinction entre la sphère publique et la sphère privée. C'est-à-dire que c'est l'idée que dans la sphère privée, les hommes règnent sur leur maison, c'est le pater familias, c'est vraiment hérité du droit romain et de ce qu'on a appelé la patria potestas, donc le pouvoir qu'avait le pater familias dans sa maison. Et évidemment, on distingue le patriarcat, originellement, on distingue le patriarcat de ce qui se passe dans la sphère politique, ou en tout cas, c'est ce qu'on pense depuis les auteurs du contrat social. Mais les féministes des années 70 ont voulu se réapproprier cette notion de patriarcat pour dire justement, en fait, le patriarcat est partout. Il n'est pas que dans la sphère privée. Alors c'est un geste un petit peu paradoxal de s'être réapproprié ce terme-là qui désigne la soumission même des femmes dans cet espace-là. Je pense que ce qui est en jeu à ce moment-là, c'est, en tout cas en France, c'est très clair quand on lit Christine Delphi, qui est donc une sociologue qui a vraiment construit le concept de patriarcat en France. Ce qui est très clair, c'est qu'à ce moment-là, dans les années 70, il y a une division des féministes entre les féministes socialistes et les féministes radicales. Et les féministes socialistes, en gros, elles disent que tout... peut être amenée au capitalisme, qu'au fond elles sont marxistes avant d'être féministes, et que donc il n'y a pas une spécificité de l'oppression patriarcale, justement, mais que le patriarcat est une des formes que prend le capitalisme, donc c'est vraiment ce qu'on voit déjà chez Engels dans Les origines de la famille, donc que ça a quelque chose à voir avec la propriété privée et donc avec le capitalisme. À l'inverse, les féministes radicales veulent dire non, il y a une oppression qui est spécifique aux femmes, et c'est l'oppression patriarcale, et on a besoin du concept de patriarcat pour expliquer ce que c'est que l'organisation sociale qui opprime les femmes. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on entend par ce terme-là quand on dit qu'on vit dans des sociétés patriarcales ? Je pense qu'aujourd'hui, en gros, on utilise de manière indifférencié, patriarcat, domination masculine et phallocratie qu'on n'utilise plus tellement, mais juste pour parler d'une organisation sociale, juridique, fondée sur la détention de l'autorité par les hommes sur les femmes. Mais évidemment, en fait, patriarcat, c'est devenu très connoté parce que c'est un terme qui, dans sa réappropriation par les féministes, est devenu un terme normatif. On ne parle pas de patriarcat pour dire que c'est super, alors que c'était le cas chez Sir Robert Filmer, dont on va reparler, quand il écrit patriarcat. C'est un philosophe anglais du XVIIe siècle voilà, qui a défendu le patriarcat et qui a même écrit un livre qui s'appelait Patriarcat. Voilà, lui, dans patriarcat, il pense que le patriarcat, c'est très bien, mais la façon dont ça a été réapproprié par les féministes fait que c'est devenu ce qu'on appelle un concept normatif et pas un concept descriptif qui vise à dénoncer une organisation sociale oppressive. Donc aujourd'hui, c'est vrai que j'ai l'impression que, par exemple, le terme patriarcat est plus connoté politiquement que le terme de domination masculine, ou et encore plus que ce qu'utilise l'anthropologue Françoise Héritier, c'est-à-dire l'idée d'une balance différentielle des sexes. On voit qu'il y a une gradation entre le descriptif et le normatif. Quand on parle de balance différentielle des sexes, qui est juste descriptif, qui tient à dire dans toute civilisation, les hommes ont plus de valeur que les femmes. Domination masculine qui décrit l'organisation sociale, qui n'a pas l'air de dire que il y a nécessairement une intention de domination, et patriarcat où là on a l'impression que rien n'échappe au pouvoir que les hommes ont sur les femmes. Et qu'il y a une intention de la part des hommes de dominer les femmes. Voilà, en tout cas, il me semble que c'est ce qui est connoté dans le terme de patriarcat. Manon Garcia, vous êtes l'auteur d'un essai sur la soumission féminine qui s'appelle « On ne n'est pas soumise, on le devient ». Est-ce que le patriarcat, selon vous, est le milieu par excellence de la soumission ? Est-ce que vous utilisez aussi ce terme-là de patriarcat ? Alors moi, stratégiquement, justement, en raison de ce que je vous disais, j'ai tendance à utiliser un peu plus domination masculine que patriarcat, mais aussi parce que le couple domination-soumission est plus évident que patriarcat-soumission. Mais c'est sûr que je pense que la soumission féminine est une des formes que prend le patriarcat, c'est-à-dire que parce que ma thèse dans ce livre, c'est que les femmes sont conditionnées à être soumises tant et si bien qu'elles y consentent, puisqu'au fond c'est plus facile quand on fait une analyse coût-bénéfice de comment on devrait se comporter quand on est une femme, on voit bien que c'est plus valorisé socialement de se soumettre que d'être indépendante. Peut-être que c'est en train de changer, mais en tout cas, pendant très longtemps, la féminité, ça a été la soumission et ça a été valorisé socialement. Une femme non féminine était punie socialement, alors qu'une femme féminine, on disait, regarde le pouvoir qu'elle a sur les hommes, par sa beauté, sa séduction, tous ses atours de la passivité. Et voilà ce que Beauvoir appelle le plaisir de l'objectification. Donc c'est sûr que la soumission prend place dans l'organisation patriarcale de la société. La domination est acquise de deux façons, par la génération et par la conquête. Le droit de domination par génération est celui que le parent a sur ses enfants, et il est appelé paternel. La domination sur l'enfant devrait appartenir à égalité aux deux, et l'enfant devrait être assujetti aux deux à égalité, ce qui est impossible, car nul ne peut obéir à deux maîtres. En attribuant la domination à l'homme seulement, en tant qu'étant de sexe supérieur, certains ont mal raisonné. Car entre l'homme et la femme, il n'y a pas une différence de force et de prudence telle que le droit puisse être déterminé sans guerre. Dans les républiques, cette dispute est tranchée par la loi civile, et la plupart du temps, mais pas toujours, la sentence est favorable au père, parce que la plupart des républiques ont été érigées par des pères et non par des mères de famille. Mais la question se pose désormais dans l'état de simple nature, où l'on suppose qu'il n'y a ni loi du mariage, ni loi sur l'éducation des enfants, mais seulement la loi de nature et la naturelle inclination des sexes l'un pour l'autre et pour les enfants. S'il n'y a pas de contrat, la domination appartient à la mère. Car dans l'état de simple nature, où il n'y a pas de loi du mariage, on ne peut savoir qui est le père, à moins que la mère ne déclare qui il est. Et donc le droit de domination dépend de sa volonté, et par conséquent lui appartient. De plus, vu que l'enfant est d'abord au pouvoir de la mère et qu'elle peut soit le nourrir, soit l'exposer, si elle le nourrit, il lui doit la vie, et il est donc obligé de lui obéir plutôt que d'obéir à un autre. Et en conséquence de cela, la domination de l'enfant lui appartient. On vient d'entendre, Manon Garcia, un texte interprété par Georges Claes, extrait du Léviathan, le célèbre texte politique de Thomas Hobbes qui date de 1651. C'est un extrait du chapitre 20 qui s'appelle « Des dominations paternelles et despotiques ». Alors on est loin avec ce texte de l'image qu'on peut avoir d'un philosophe comme Hobbes, mais aussi peut-être d'une toute une tradition politique qui aurait institué le père comme naturellement autoritaire et détenant la domination des enfants. C'est un texte extraordinaire, mais ça montre la très très grande modernité de Hobbes. Parce qu'en réalité, ce qui se joue avec Hobbes et avec la tradition contractualiste, donc ensuite avec Locke, Pufendorf, Rousseau, c'est l'idée de dénaturaliser le pouvoir politique. Donc contre cette idée de la monarchie de droit divin qui serait une forme métaphorique du pouvoir du père, les auteurs contractualistes veulent dire non, non, l'organisation politique, c'est une toute autre logique. Et donc, ça se fait par, comme il dit, le pouvoir s'obtient par génération ou par conquête. Mais ce qui est très étonnant, c'est que chez tous les autres auteurs contractualistes, il y a cette idée que subsiste un pouvoir de la sphère privée, qui est le pouvoir du père, et dont la naturalisation n'est pas commentée, critiquée. Alors que Hobbes est tenant d'un individualisme radical, il dit, en fait, il n'y a pas de domination naturelle. Il n'y a que des conquêtes. Et la seule domination naturelle, c'est éventuellement celle qu'on peut avoir sur les enfants. Mais dans ce cas-là, c'est la domination de la mère. Mais ce qui est en même temps dingue, c'est que quand Hobbes parle de l'organisation civile, il considère qu'il va de soi que les maris ont pouvoir sur les femmes. Mais alors comment comprendre ce paradoxe ? C'est-à-dire, d'un côté, on va délier l'état politique, l'organisation politique d'un état naturel, et en plus, on va même pas dire de cet état naturel qu'il instaure une inégalité de fait entre les hommes et les femmes. Et pourtant, on se retrouve avec des sociétés patriarcales. C'est le grand mystère de Hobbes que met en lumière donc cette politiste américaine qui s'appelle Carol Pateman, qui a écrit un livre sur cette question qui s'appelle Le contrat sexuel, où justement elle est spécialiste de Hobbes et elle participe dans les années 1970 à cette relecture des théories du contrat social par des féministes qui n'essayent pas tant de dire ces méchants contractualistes, ils avaient oublié les femmes, ou voilà, ça a été mal compris en fait leur relecture, qu'elle n'essaie de comprendre dans cette relecture comment comprendre les inégalités de la société contemporaine. Et donc Pateman se penche sur cette contradiction chez Hobbes et elle dit, au fond, ça veut dire que Hobbes fait l'hypothèse qu'il y a eu une conquête à l'état de nature des femmes par les hommes. Mais il n'en parle pas. Mais c'est la seule solution. Parce que il ne parle pas d'un consentement que les femmes donneraient au pouvoir des hommes. Donc, c'est qu'il y aurait eu conquête, puisqu'il dit, voilà, le pouvoir ne peut exister que par génération, par conquête. Donc, c'est ça le grand mystère. Donc, c'est ça qui, elle, l'a conduit à faire l'hypothèse que les hommes passent un contrat entre eux par lequel ils asservissent les femmes. Mais, au fond, c'est la grande inconnue de se dire, comment fait-on, si on présuppose que les êtres humains naissent libres et égaux, pour comprendre que les femmes ne soient pas les égales des hommes. Donc il y a plusieurs façons de comprendre ça, ou bien de dire que c'est pas les êtres humains, c'est les hommes, ou bien de dire que les femmes ont consenti à être sous les ordres des hommes. Mais sauf que le problème, c'est que si on fait cette hypothèse-là, d'un consentement des femmes à leur soumission ou à leur subordination, alors, on présuppose qu'il y aurait quelque chose dans l'essence même des femmes qui serait apte à soumettre. Voilà, que les femmes aimeraient ça ou se soumettraient naturellement. Voilà, donc si on ne pense pas ça, ce qui est le fondement du féminisme des années 70, de dire qu'il n'y a pas de différence essentielle entre les hommes et les femmes qui justifierait que les femmes soient les inférieures des hommes, alors cette question de l'autorité des hommes pour les femmes est incompréhensible. Et c'est ça qui est intéressant ensuite dans la façon dont va se déployer la querelle sur le qu'on appellera sur le patriarcalisme, donc entre Robert Filmer, dont je parlais tout à l'heure, et John Locke, c'est que Robert Filmer, il va attaquer Locke en disant les hommes ne naissent pas comme des champignons. C'est un truc qu'il dit. Et il dit, ils ont tous des mères. Et Adam a besoin d'Ève pour donner lieu à l'humanité. Et donc, en réalité, on a besoin d'un pouvoir du mari avant qu'il puisse y avoir un pouvoir du père. Et c'est ça que montre Carol Pateman et qui est très intéressant, c'est qu'en fait, c'est une erreur de penser que le pouvoir du mari donc est secondaire par rapport au pouvoir du père, puisqu'il est la condition sine qua non, sans quoi il n'y a pas de pouvoir du père. En fait, il y a dans le patriarcat une superposition, il me semble, de deux dimensions. C'est d'une part de faire découler la politique d'un État ou d'une organisation pré-politique qui serait la famille. Alors, il y a beaucoup de penseurs politiques qui font découler une société de la famille. Il y a Aristote, par exemple, il y a Hegel. Ils pensent qu'il y a un lien très naturel entre ces différentes formes de société. Et puis, il y a aussi l'idée de calquer l'idée d'un chef politique sur l'idée d'un chef paternel et viril, homme. Et ça, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté la nature qui donnerait lieu à la politique et de l'autre côté, des attributs masculins qui donneraient lieu à des caractéristiques autoritaires. Dans la première dimension que vous mettez en évidence, la question est quand même celle de savoir si l'analogie est métaphorique ou si c'est vraiment la même chose. C'est-à-dire, est-ce que le roi doit être avec ses sujets comme le père avec ses enfants? Donc là, ça ouvre toutes les questions de paternalisme, justement. Donc on voit comme le langage a fait une division entre le patriarcat et le paternalisme, mais c'est au fond les mêmes questions. Donc est-ce que c'est le même pouvoir ou est-ce que c'est un pouvoir qui ressemble? Et c'est très intéressant de voir que Rousseau, par exemple, qui est quand même vraiment contre cette idée du pouvoir politique comme pouvoir du père, pense quand même que le pouvoir du père est le pouvoir naturel par excellence. Oui, c'est-à-dire que dans l'Émile, c'est quand même très ambigu ce qu'il dit dans le livre 5 de l'Émile, quand apparaît Sophie, la compagne d'Émile, justement, il y a une répartition très claire des tâches en fonction des caractères de l'homme et de la femme et en fonction de la position qu'ils doivent occuper déjà par rapport au désir et par rapport aux enfants, à leurs propres enfants. Oui, mais l'idée, c'est que il y a une distinction très claire entre Émile en tant qu'il est le mari de Sophie et Émile en tant qu'il est un citoyen. Et donc, en tant qu'il est un citoyen, Émile est un frère parmi d'autres frères égaux. Et en tant qu'il est un mari, il est un chef sur sa femme. Donc en effet, il y a cette question-là de la métaphore du pouvoir politique comme pouvoir du père. Et ensuite, cette question des attributs masculins du chef qui est très étonnante parce qu'en réalité, elle va de pair avec cette espèce de naturalisation de la différence sexuelle qui consisterait à dire, les hommes sont naturellement violents. Donc ça les rend naturellement de bons chefs. Ce qui est un raisonnement qui ne tient pas la route, qui est un raisonnement qui a été utilisé pour faire un récit des origines, pour expliquer comment originellement les hommes auraient dominé les femmes, en disant on sait bien, la testostérone, ça rend les hommes très très agressifs. Et par exemple, quand on regarde dans Sapiens, Harry parle de cette hypothèse-là et il dit mais en fait, être très agressif et avoir de la testostérone, ça fait de nous un bon soldat, mais ça fait pas de nous un bon général. Et il dit, personne ne présuppose que du fait que les esclaves sont noirs, les maîtres vont être noirs. Et il dit de la même façon, pourquoi il faudrait les mêmes qualités chez un soldat que chez un général? En réalité, c'est pas le cas. Un général, il faut qu'il soit stratège, calme et pas agressif. Et c'est exactement les qualités qu'ont biologiquement les femmes par le fait de ne pas avoir de testostérone. Et donc je trouve que c'est intéressant cette idée des attributs masculins, parce qu'en fait c'est une renaturalisation, comme une espèce de justification a posteriori d'une hiérarchie entre les hommes et les femmes qui est en fait uniquement sociale. En fait, on aurait renversé la perspective. C'est-à-dire que on a d'abord créé l'inégalité de droit pour ensuite la justifier par une inégalité de fait naturelle en parlant de testostérone ou autre. Voilà, mais c'est-à-dire que c'est une dialectique vraiment qui est intéressante. Au sens où il y a des différences biologiques entre la moyenne des hommes et la moyenne des femmes. Mais en fait, on fait comme si les différences culturelles entre les hommes et les femmes devaient être rattachées à ces différences biologiques, alors même qu'on pourrait penser qu'on donne du sens à ces différences biologiques parce qu'il y a une hiérarchie sociale. Et c'est ça le grand retournement que font les féministes à partir de Beauvoir, mais que vraiment Delphi fait beaucoup plus fortement, de dire il faut voir que ce qui est en jeu, ce n'est pas une manifestation culturelle de différence de nature, mais bien au contraire une justification a posteriori par la nature de différence culturelle. Je vais voir Martin. Il dort. Ben, réveille-le. Non, on est dimanche, Paul. On peut se reposer ? Allez le chercher. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il y en a que j'en ai marre de tes conneries. Qu'est-ce que t'as dit à Philippe ? Rien. C'est pas parce que t'es bon à rien que tu dois empêcher les autres de travailler, quand même. T'arrêtes de me parler comme ça, t'as compris ? Je suis peut-être pas le fils dont t'es arrivé, mais je suis pas non plus ton clébard ! Alors, tu fais tes petites affaires avec ton nouveau jouet, tu viens pas me faire chier chez moi le week-end. Je suis ton père, non ? Donc quoi ? Mais c'est pas ça, un père. Tu me pompes l'air depuis que je suis né. Tu m'étouffes, tu m'asphyxies, tu mens, tu me méprises, tu m'humilies, tu passes ton temps à m'attendre au tournant, mais c'est pas ça, un père ! T'es le contraire d'un père ! T'es une vipère ! T'es une putain de vipère ! Alors tu fais pas chier, tu gardes ici maintenant ! C'est un extrait du film de Gilles Legrand, Tu seras mon fils, qui date de 2011. Alors on entend ce père violent interprété par Nils Arestrup, qui effectivement est un père cliché de domination. C'est un petit peu ce que vous décriviez, Manon Garcia, ce père qu'on décrit avec des attributs masculins qui seraient naturels de virilité, de violence, de domination. Mais la question que pose aussi cet extrait, c'est... Et par rapport au patriarcat, comment on en vient d'une domination violente d'un père sur ses enfants à l'idée que le patriarcat désigne la domination violente ou en tout cas oppressante d'un mari sur sa femme ? Oui, c'est intéressant parce que je pense qu'en fait, il faut sans doute poser la question dans l'autre sens, c'est-à-dire comprendre que historiquement et chronologiquement, il faut d'abord... une domination du mari sur la femme pour qu'il y ait une domination du père sur le fils. Mais ce qui est sûr, c'est que je pense que ce qui est très intéressant, c'est qu'avec les théoriciens du contrat, ce qui se joue, c'est de dire il faut que cette domination du père ne soit plus vue comme un modèle et qu'à elle, on substitue la fraternité, en fait. Mais et bon, c'est aussi une des thèses de Carol Pateman que de dire... en fait, l'hypothèse d'une égalité naturelle des hommes entre eux conduit à réfuter cette autorité paternelle pour promouvoir l'idée de frères qui sont égaux entre eux. Mais c'est intéressant l'extrait qu'on a écouté parce que je pense que ça montre aussi, et c'est un des enjeux très grands du féminisme aujourd'hui, les inconvénients qu'il y a pour les hommes à se retrouver dans un système patriarcal. Parce qu'au fond, le personnage de Nils Arestrup, là, ce qu'on entend, c'est que c'est quand même quelqu'un qui sait pas du tout être gentil, aimant, avec son fils dont on faire peut imaginer famille, hein. Voilà, qu'il l'aime. Quand il dit « je suis ton père », non, on se dit « mais quelle tristesse que des hommes pensent qu'être un père, c'est détruire la vie de son fils par tous les moyens possibles et imaginables ». Parce que, comme le dit Freud dans Moïse, le résultat de ça, c'est que les fils tuent leur père. Et donc, c'est pas forcément le modèle familial le plus harmonieux qui soit. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir comme le patriarcat est un modèle très lourd pour les hommes d'agressivité, de lutte, de méchanceté, de cruauté, en disant bah, il faut faire une limite très claire entre ce qui est du domaine des femmes, c'est-à-dire d'être gentille, aimante, liante, etc., et ce qui est du domaine des hommes, qui est de couper les liens et de faire souffrir tout le monde. On a parlé, enfin vous avez parlé, Manon Garcia, de Carol Pateman et du contrat sexuel, donc son grand ouvrage de 1988. Et dans cet ouvrage, elle montre bien le lien, en fait, tout le paradoxe qu'il y a à instituer un contrat social qui serait en défaveur des femmes tout en disant qu'il mettrait à égalité tous les individus. Et on se rend bien compte aujourd'hui, finalement, et en entendant cet extrait, que le patriarcat et que cette organisation politique se fait en défaveur à la fois des femmes, à la fois des enfants, à la fois des hommes, comme vous l'avez dit. Mais est-ce qu'on peut sortir de ce modèle-là, du patriarcat? Est-ce qu'on peut mettre à jour, en mettant à jour ce contrat sexuel qui sous-tend le contrat social, est-ce qu'on peut se dire finalement, ce modèle-là n'est bon pour personne, on va s'en sortir, on va proposer autre chose? Bien sûr, mais ce qui est très intéressant dans ce que fait Carol Pateman, c'est qu'elle montre en fait une continuité entre ce qu'elle appelle le contrat social d'un côté, donc cette fiction politique, et les contrats de la vie courante. Et donc elle parle du contrat de mariage, des contrats de prostitution, et du fait que la forme contractuelle peut ne pas être une coquille vide, neutre, qui ne fait que tamponner un rapport entre deux personnes, comme cette fiction juridique le laisse penser en général, mais au contraire, instaurer des rapports de subordination. Et donc, elle invite à une critique des contrats de la vie réelle, qui est, à mon avis, une pratique émancipatrice, parce que c'est au nom de cette critique que le viol entre époux a été reconnu, par exemple, en disant il y a un problème dans le contrat de mariage, dans l'accès que ça donne pour les hommes au corps des femmes, dans la critique de la prostitution, ou dans la critique aujourd'hui de certaines formes, en tout cas de GPA. Ce qui est sûr, c'est que il est beaucoup plus facile de faire la critique du patriarcat que de proposer quelque chose de positif pour en triompher. Et qui soit surtout délié d'une organisation familiale, d'un schéma connu, et peut-être plus facile aussi à envisager, de hiérarchie des rôles, de répartition des rôles entre le domaine privé, le domaine public, entre les hommes et les femmes, même si effectivement les répartitions peuvent être la répartition peut être plus égale, plus égalitaire, et les rôles plus flous, les identités aussi. Est-ce qu'on va pouvoir se départir aussi d'une hiérarchie finalement qui soit pas forcément celle des sexes, ni forcément familiale, mais est-ce qu'on peut véritablement se départir d'une hiérarchie en tant que telle et forcément du concept de soumission, par exemple? Mais je pense que ce qui est en jeu, c'est pas de se débarrasser de la hiérarchie. Ce qui est en jeu, c'est que les hiérarchies ne soient pas figées. Et qu'en réalité, évidemment que des parents ont de l'autorité sur leurs enfants, que dans les couples, il y a des rapports de pouvoir, et que la société est tout entière structurée par des rapports de pouvoir. Le problème, c'est que ces rapports de pouvoir soient figés, que ce soit toujours le père qui ait de l'autorité sur ses enfants, le mari sur sa femme, alors qu'en réalité, dans une société plus égalitaire où les rôles ne sont pas figés, les rapports de pouvoir sont plus fluides. Et je pense que la voie vers l'émancipation, ce n'est pas la fin des rapports de pouvoir, ce qui est complètement utopique, mais et de ce que vous appelez des hiérarchies, mais leur fluidité, le fait que on ne soit plus dans des cases parce qu'on est africain-américain, parce qu'on est une femme, parce qu'on est pauvre. Que tantôt l'un domine, tantôt l'autre après domine, ou en tout cas puisse changer de position dans la société, de tâche, comme il l'entendrait. Voilà, mais c'est pour ça que quand je donnais la définition du patriarcat comme une forme d'organisation sociale et juridique fondée sur la détention de l'autorité par les hommes, je pense qu'on peut mettre fin au patriarcat en ayant des rapports de pouvoir plus souples. Parce que le patriarcat, c'est justement figé. C'est une organisation sociale qui donne le pouvoir aux hommes en tant qu'ils sont des hommes, sur les femmes et sur les enfants. Grosso modo, si vous voulez, ce que j'ai théorisé, c'est l'exploitation des femmes, l'exploitation économique des femmes. Et je ne l'ai pas située principalement dans le secteur salarié. J'ai dit, elle existe dans le secteur salarié, dans le secteur marchand en général. Hein. Mais elle part d'une exploitation qui se fait à la maison. Et c'est l'exploitation du travail domestique par les maris ou compagnons, ou maintenant on dirait les concubins ou les paxés, etc. C'est pas eux qui ont inventé le système, hein. Et puis, si c'était illégal, ça se saurait, ça pourrait pas se faire, bien entendu, oui. Je veux dire que ce sont eux les bénéficiaires, mais en fait, c'est en tant qu'ils appartiennent aux membres de ce groupe des hommes, voilà. Je n'y vais pas par quatre chemins, j'appelle ça le patriarcat. Nous faisons la grève du travail domestique, parce qu'il est réservé aux femmes, qui n'est pas payé, qui n'est pas reconnu et qui est obligatoire. Nous faisons aussi la grève des soins que l'on donne aux enfants. Et la grève, nous voulons faire la grève du travail salarié, parce que la condition des femmes dans le travail salarié est liée au rôle qu'elles ont assumé à la maison. Et on fait grève, on propose de faire une grève pour que les femmes se rendent compte de ce qui se passerait si elles s'arrêtaient. Et si je m'arrêtais de m'occuper de mon mari, et si je m'arrêtais de travailler comme certaines femmes le font, 15, 16 heures par jour entre le travail à l'industrie, au bureau et le travail à la maison, qu'est-ce qui se passerait? Qu'elles prennent conscience qu'elles ont un pouvoir, que nous avons un pouvoir et qu'on peut arrêter le système qui nous fait travailler bon, comme des cerfs. Manon Garcia, on a entendu tour à tour la voix de Christine Delphi, donc sociologue, très grande théoricienne du patriarcat, dont vous avez déjà donné le nom depuis le début de notre entretien. Puis juste après, on a entendu une archive qui date de 1974, où des femmes envisagent la possibilité de faire la grève. Alors normalement, la grève, c'est la grève du travail, mais là, elles envisagent le travail domestique comme un travail en tant que tel. Qu'est-ce que ça ferait si j'arrêtais de m'occuper de mes enfants? Si j'arrêtais de m'occuper de mon mari, et on voit que toute l'ambiguïté du patriarcat, c'est que ça n'est pas seulement une organisation politique passée avec un contrat social, avec un chef et des citoyens, c'est que ça déborde dans l'espace privé et domestique qui échappe précisément au regard du public. Donc on ne sait pas vraiment finalement la répartition, l'inégalité, les hiérarchies, la domination, quelle forme elle peut prendre, extrême ou pas, figée ou fluide, comme vous le proposiez, Manon Garcia. Oui, mais c'est une question que les féministes travaillent depuis les années 70 et que je trouve passionnante, dont on a entendu encore les échos cette semaine. Je ne sais pas si vous avez vu, en Argentine, il y a une femme qui a gagné un procès contre son ex-mari où elle lui demandait le paiement en retard d'années de travail domestique. Donc il a dû lui verser l'équivalent de 170 000 euros, je crois, quelque chose comme ça. Et puis il y a eu cette autre étude qui dit que le travail d'une femme au foyer est à peu près estimé à 6500 euros par mois, si on devait le salarier. Donc évidemment, la très grande force de Christine Delphi, c'est de montrer que le patriarcat repose sur l'exploitation du travail domestique des femmes et son appropriation par les hommes. Et que c'est évident, et pour moi c'était un des enjeux importants dans ma critique de la soumission comme passivité dans mon livre, de montrer que si on présente les femmes, les vraies femmes, les femmes bien féminines comme des femmes soumises, c'est en fait en passant complètement sous silence toute l'activité que ça demande d'être soumise. Et c'est une des grandes forces, à mon sens, du second volume du Deuxième Sexe, quand Beauvoir raconte le travail de l'épouse et qu'elle raconte que c'est des, elle compare le travail domestique à celui de Sisyphe, où elle dit le travail domestique, ça consiste toute la journée à lutter contre la négativité qui est le sale, le désordre, le vide. Et donc l'épouse, concrètement, ce qu'elle fait, c'est que toute la journée elle nettoie, elle cuisine, mais que c'est rien de positif. Elle dit le plus positif qu'elle puisse faire, c'est de cuisiner, mais sauf qu'en deux minutes, elle a passé 8 heures à cuisiner un sublime repas, et son mari et ses enfants rentrent, ils ont très faim, en un quart d'heure, il reste plus rien. Et donc, c'est toujours de la lutte contre le négatif, mais c'est un travail titanesque, en réalité. Et c'est un travail qui est qui n'est pas jugé comme un travail. C'est la fameuse idée de la femme au foyer. Donc la femme au foyer, c'est la femme qui travaille pas. Ou l'idée de la double journée aussi. C'est oui, quand les femmes travaillent ailleurs que chez elles, enfin pour un travail salarié, et rentrent chez elles et ont l'impression de devoir retourner au travail, mais en fait sont au travail domestique. Et ça n'est pas non plus une activité salariée. Comment vous expliquez, Manon Garcia, par exemple, que dans des villes, par exemple, comme Paris, on va dire, il y a un certain niveau social, un certain niveau culturel, mais même à l'échelle de la France et à l'échelle même d'autres pays où on va promouvoir, on va essayer de parler d'une égalité entre les hommes et les femmes. Malgré tout, la femme travaille, l'homme aussi, et il subsiste toujours, qui repose sur la mère, des tâches en plus, des pressions, on a parlé de charge mentale beaucoup l'année dernière, qui reposent encore sur les épaules de la femme. Alors, je pense qu'il y a plusieurs raisons. La première, c'est que quand même, tous les pays ne sont pas comme la France, et que même dans les pays occidentaux, industrialisés, etc., les femmes n'ont pas toujours le choix de travailler en dehors de la maison. Moi, je vis aux États-Unis. J'ai découvert récemment que une place en crèche à Boston coûte 3 000 $ par mois. Donc, ça veut dire qu'il faut quand même gagner au moins deux fois ça, puisqu'il faut payer des impôts, etc., pour que ça vaille le coup de pas être femme au foyer. Donc, il faut quand même faire partie des classes moyennes supérieures pour que ça vaille le coup de pas travailler, ou faire partie des classes tellement populaires que ben on laisse son enfant un peu à la charge d'autres membres de la famille, etc. Mais il faut bien que quelqu'un s'occupe des enfants. Donc il y a la question quand même de la maternité qui est très importante et de l'organisation sociale de la maternité. En France, on est très privilégié, même si c'est vraiment pas le paradis, mais on est très privilégié dans la possibilité de tenir ensemble une vie professionnelle et une vie personnelle au prix de la charge mentale. Ensuite, il y a cette question des stéréotypes de genre, évidemment, et je pense que les effets de la maternité, enfin de la parentalité, sont très grands et encore vraiment peu considérés. C'est-à-dire que les études sociologiques montrent qu'il y a de plus en plus de couples qui sont à égalité totale dans les tâches domestiques jusqu'à la naissance du premier enfant, mais qu'il y a très très peu de couples qui survivent à la naissance du premier enfant en termes d'égalité de la répartition des tâches, que tout d'un coup, le premier enfant naît et on passe à 25-75 ou 20%-80% en répartition. Uniquement sur la répartition des tâches ménagères ou concernant même les soins du bébé, par exemple? Oui, concernant même les soins du bébé, concernant toutes les tâches qui sont faites en plus de la journée de travail, disons. Et donc ça, je pense que c'est quand même encore un impensé très grand, et que c'est très bien, les nouveaux pères s'investissent beaucoup plus dans le fait de jouer avec les enfants, de faire des choses avec les enfants, mais tout ce qu'il y a comme vaisselle, lessive, courses à faire, enfants à inscrire à l'école, rendez-vous avec le pédiatre, etc., c'est encore complètement pris en charge par les mères et complètement invisibilisé comme quelque chose qui compte pas tellement, quoi. Mais il y a d'ailleurs quelque chose aussi dans le féminisme, peut-être, qui, vous avez parlé d'impensé, mais effectivement qui manque aussi, c'est qu'on parle beaucoup dans le féminisme. Par contre, on a par exemple la figure de la femme indépendante, libre, qui peut se défaire des attributs féminins en termes de beauté, en termes de couple, en termes d'éducation des enfants, mais on pense très peu le statut de la mère. Comment on peut être à la fois féministe et mère, être à égalité avec le père, c'est-à-dire qu'il y a toute une répartition des rôles à repenser. On a fait cette semaine sur le père, mais en fait cette émission sur le patriarcat, c'est pour penser précisément non pas le père avec ses enfants, mais le père par rapport à sa femme, par rapport à la mère dans cette répartition des tâches. Oui, c'est sûr que la maternité, pendant très longtemps, a été considérée comme un peu ringarde par les féministes, mais parce qu'il y avait un côté un retour du naturel, même la critique de l'allaitement, par exemple, la critique d'avoir plusieurs enfants, le fait de devoir peut-être envisager de rester à la maison, d'avoir cette charge mentale qui n'intéresse pas les combats politiques. Oui, mais parce que je pense que il faut réhistoriciser le combat féministe, c'est-à-dire que Aujourd'hui, on peut réfléchir à comment être une mère féministe, mais parce que nos ancêtres, elles se sont occupées de réfléchir à comment être féministe tout court. Et que je pense qu'aujourd'hui, on perd un peu de vue tout ce mouvement qu'a été le séparatisme lesbien, par exemple, et le lesbianisme politique, de femmes qui décidaient que il n'y avait pas moyen de vivre avec les hommes et que la seule solution pour être libre, c'était de vivre entre femmes, de coucher avec des femmes, d'aimer des femmes, que les hommes, ils étaient un vecteur du patriarcat, qu'ils le veuillent ou non, et que ça a été aussi le fondement des réunions en non-mixité qui sont si critiquées aujourd'hui de manière un peu incompréhensible. Mais il y a eu pendant très longtemps l'idée que il fallait avoir le temps de déconstruire l'oppression patriarcale mentalement et de s'armer contre elle avant de pouvoir être en harmonie avec des hommes et donc faire des enfants avec eux. Donc la parentalité lesbienne était un peu libérée de la question du pouvoir du père puisqu'il n'y avait pas de père. Et les féministes avaient tendance à penser que c'était un peu dommage de faire des enfants avec des hommes parce que les ennuis recommençaient d'une certaine manière. Et donc aujourd'hui, on est un moment, à mon sens, du mouvement féministe qui est qu'on peut commencer à parler de comment on fait pour être des mères indépendantes. Mais pendant très longtemps, ça a été très critiqué, cette espèce de vouloir tout avoir, cette formulation en termes de vouloir tout avoir. Et donc c'est quelque chose de nouveau de réfléchir à ce que c'est que l'allaitement, à ce que c'est que la grossesse, mais quand on y réfléchit, c'est quand même quelque chose de complètement passé sous silence. La réalité physiologique de ce que c'est que la grossesse pour énormément de femmes, c'est quand même quelque chose dont on ne parle pas. En France, on se dit c'est super, on a 3 mois de congé maternité ou 4 mois, ce qui est beaucoup mieux qu'aux États-Unis. Bon, très bien, mais quand même, la réalité, ne serait-ce que du premier trimestre, où quand même plus de la moitié des femmes tiennent à peine debout, quoi. C'est quelque chose qui est complètement caché. Passé mais qu'est-ce qu'on, voilà, qu'est-ce qu'on fait socialement de cette réalité-là ? Oui, on rappelle beaucoup que la femme enceinte n'est pas une femme malade, ce qui est vrai, mais on passe sous silence des désagréments, des maladies ou un état de fatigue. Oui, oui, oui. Enfin, la femme enceinte n'est pas une femme malade, mais enfin, si les hommes étaient enceintes, on considérerait quand même que la vie s'arrête pendant 9 mois parce que les hommes supporteraient pas du tout. Vous pensez ça ? Ah oui, je pense que la enfin, c'est un cliché, je veux dire, évidemment, il y a des hommes très résistants, etc. Mais je pense que si ce qu'on appelle les désagréments de la grossesse étaient partagés par tous, ils seraient beaucoup plus fortement pris au sérieux. Mais ça, c'est bon. Là, en ce moment, il y a plusieurs travaux qui sont faits sur la façon dont la médecine et donc l'appréhension politique des enjeux médicaux est structurée par le patriarcat, justement. Quand on sait une anecdote, c'est que le Viagra, on s'est rendu compte dans les essais cliniques que c'était le médicament le plus puissant jamais trouvé contre les douleurs de règles. Et que vraiment, ça éliminait complètement les douleurs de règles. Et en fait, le laboratoire qui avait créé le Viagra a considéré que franchement c'était pas très important et que c'était pas la peine de faire les agréments pour que ce soit utilisé comme médicament contre les douleurs de règles. Alors qu'avoir de belles érections c'était plus intéressant. Voilà. Alors et que a priori il y a beaucoup moins d'hommes impuissants que de femmes qui ont des douleurs de règles. Donc même commercialement ça n'a aucun sens. Ça a démarré très dur. Comment ça dur ? On a eu le temps d'entendre ce qui se passait sur les trottoirs, c'était oh, c'est des femmes. On a eu droit à certains crachats, à certains lancers de pierres. Ces réactions-là, elles peuvent s'expliquer par le fait qu'à la base, déjà, on n'est pas gâté. Liliane Mauclair, manager du Tour féminin. Le Tour, en général, a un esprit misogyne. Je suis contre le Tour féminin. Autrefois, le moindre jupon sur le Tour faisait frémir tous ces messieurs. Mais non pas frémir dans le sens d'admiration, mais vraiment de hargne, en disant « Mais qu'est-ce qu'elle vient faire là ? Mais qu'est-ce qu'elle vient faire là ?» Je suis contre le Tour féminin. Ça les dérange. Ils ne sont plus entre hommes. Le voilà, le scandale. Ils préfèrent la femme rester au foyer et pas l'avoir sur le vélo, ça doit être ça. Une bonne fois pour toutes, une fille sur un vélo, c'est pas beau. Nul n'est plus arrogant à l'égard des femmes, agressif ou dédaigneux, qu'un homme inquiet de sa virilité. Ceux qui ne sont pas intimidés par leurs semblables sont aussi beaucoup plus disposés à reconnaître dans la femme un semblable. Même à ceux-ci, cependant, le mythe de la femme, le mythe de l'autre, est cher pour beaucoup de raisons. On ne saurait les blâmer de ne pas sacrifier de gaieté de cœur tous les bienfaits qu'ils en retirent. Ils savent ce qu'ils perdent en renonçant à la femme telle qu'ils la rêvent, ils ignorent ce que leur apportera la femme telle qu'elle sera demain. Il faut beaucoup d'abnégation pour refuser de se poser comme le sujet unique et absolu. D'ailleurs, la grande majorité des hommes n'assument pas explicitement cette prétention. Ils ne posent pas la femme comme une inférieure. Ils sont aujourd'hui trop pénétrés de l'idéal démocratique pour ne pas reconnaître en tous les êtres humains des égaux. C'est ainsi que beaucoup d'hommes affirment avec une quasi bonne foi que les femmes sont les égales de l'homme et qu'elles n'ont rien à revendiquer. Et en même temps, que les femmes ne pourront jamais être les égales de l'homme et que leurs revendications sont vaines. Nul n'est plus arrogant à l'égard des femmes, agressif ou dédaigneux qu'un homme inquiet de sa virilité. C'est Simone de Beauvoir qui le dit. Bon, là, c'était interprété par Georges Class. C'est dans Le Deuxième Sexe, c'est le premier volume. Ce texte qui date de 1949. Et on a entendu justement des hommes inquiets de leur virilité. C'était en 1984. C'est un petit peu des propos qu'on a entendus récemment à propos de la Coupe du Monde de football féminine. À savoir, bon, les femmes sur un vélo, les femmes avec un ballon, tout ça, c'est pas très attrayant. Et la question que permettent de poser à la fois ce texte et cette archive, c'est finalement, on s'est posé la question des femmes enceintes, des pères dans l'espace domestique. Par quoi on peut remplacer le patriarcat, si ce n'est un matriarcat? Comment on peut repenser l'autonomie des sujets, leur indépendance, et en même temps l'idée quand même que bon, on est quand même bien obligé de faire société et même de faire famille? C'est intéressant cette question du matriarcat parce qu'en réalité, les anthropologues montrent qu'il n'y a jamais eu de matriarcat. Il y a un peu le fantasme des Amazones, par exemple. Voilà, une espèce de fantasme. Voilà, et c'est ce que montre Françoise Héritier où elle dit en fait le matriarcat n'existe que comme occasion d'être horrifiée pour les Grecs. Vraiment, les Amazones, c'est le cauchemar un peu. Et puis elles se coupent les seins, c'est vraiment sordide, etc. Et il n'y a pas de société matriarcale. Et moi, c'était très intéressant là pour mon livre. Je suis allée dans plusieurs lycées rencontrer des élèves qui me disent mais on sait bien que le nouvel enjeu c'est la gynocratie et tout. Alors je dis ah bon? Ils disent bah oui, c'est ce que veulent les féminazis. Et donc j'ai découvert qu'il y avait beaucoup d'élèves qui pensaient que ça existait vraiment, des femmes qui se revendiquaient féminazies. Donc féminazies, c'est une contraction entre féminisme et nazi, comme on l'aura compris. Donc c'est vraiment des activistes, des fanatiques. Mais ça n'existe pas. En fait, c'est un terme qui est utilisé par les hommes pour dénigrer les féministes. Pour leur virilité, pour dénigrer les féministes. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que les féministes ne proposent jamais de dominer les hommes. C'est pas du tout ce qui les intéresse. Ce qui les intéresse, c'est de trouver des solutions pour que on puisse vivre ensemble d'une manière harmonieuse. Et c'est pour ça que ce texte de Beauvoir est très beau, parce que elle renvoie à cette inquiétude qu'on entend encore beaucoup, à ma grande surprise. Parce qu'on a en tête aussi ce que vous disiez, Manon Garcia, sur des féministes séparatistes qui, à un moment donné, ont envisagé, se disaient, dès qu'on réintègre l'homme, le père, c'est le retour des ennuis, d'un problème de répartition des tâches, un problème d'inégalité. Oui, mais un problème d'homme qui coupe la parole et d'homme qui explique, la m'explication, le mansplaining, on voit ça régulièrement. Mais ce que je trouve très intéressant, c'est que Beauvoir essaye de montrer que c'est une idée fausse de croire que la séduction, l'amour, les rapports harmonieux vont disparaître avec la disparition de la violence et de la domination. Au contraire, en fait, quand on y réfléchit abstraitement, et c'est pour ça que le deuxième sexe est quand même une œuvre émancipatrice et pas simplement une analyse de l'oppression, c'est que elle montre que l'amour, c'est pas nécessairement une abdication, qu'au contraire, ça peut être quelque chose de très fort. Beauvoir, vous disiez tout à l'heure, la femme indépendante, on voit à peu près ce que c'est, mais elle a été vraiment, traiter tous les noms et en particulier accusé d'être vraiment frigide, etc. Alors que toutes ces correspondances montrent que s'il y a un truc dont elle n'avait pas trop besoin, c'était d'avoir plus d'hommes dans sa vie et qu'elle avait une vie sexuelle et plus de femmes d'ailleurs, et qu'elle avait une vie sexuelle extrêmement épanouie et une vie amoureuse très épanouie aussi, très sensuelle, mais avec des hommes qui ne l'ont jamais considérée comme une inférieure. Il y a aussi un autre extrait du deuxième sexe de Simone de Beauvoir où elle envisage une fraternité entre les hommes et les femmes. Alors, est-ce que ce serait une manière de penser autrement qu'en termes de patriarcat ou de matriarcat, de penser une fraternité et encore une organisation politique qui serait d'ailleurs encore calquée sur le modèle familial, mais peut-être plus égalitaire? Oui, alors c'est très étonnant parce qu'en effet, pour les lectrices d'aujourd'hui, les lecteurs d'aujourd'hui, parce qu'elle finit sur ce terme de fraternité. C'est la dernière phrase du deuxième sexe. Alors elle dit « Pour remporter cette suprême victoire, il est entre autres nécessaire que par-delà leur différenciation naturelle, hommes et femmes affirment sans équivoque leur fraternité. » Alors je rappelle que la suprême victoire, c'est de faire triompher le règne de la liberté. Voilà, alors c'est très étonnant pour les lecteurs aujourd'hui parce qu'on se dit « Mais pourquoi pas... Pourquoi pas un autre mot ? Parce que fraternité, ça semble très masculin aujourd'hui, parce que ça semble opposé à sororité. Mais en réalité, ce qu'elle a à l'esprit, c'est de reprendre ce terme décontractualiste, qui est le terme par lequel on supprime le pouvoir vertical. Et donc de dire, abandonner cette espèce de pouvoir vertical entre des hommes sur les femmes pour être des égaux qui, ensemble, cherchent à trouver des solutions belles et épanouissantes grâce à la liberté. Et qu'est-ce que vous pensez du terme de sororité, qui est un terme qui est assez actuel, beaucoup employé par les féministes ? Je pense que c'est un terme très intéressant. Mais qui comporte peut-être les mêmes dangers ou vices que celui de fraternité ? Non, mais ça ne dit pas la même chose. La sororité, c'est l'idée d'inviter les femmes contre leur instinct premier à se reconnaître comme un groupe social. Et ça, c'est aussi une des grandes idées du deuxième sexe, de dire la spécificité des femmes par rapport à toutes les autres classes opprimées, c'est qu'elles se sentent toujours plus proches des hommes qu'elles ne se sentent proches entre elles. Et que c'est ce qui leur a nuit, historiquement. C'est qu'il n'y a pas eu de... Les femmes ont toujours tendance à défendre leur mari, leur frère et leur père plutôt que à défendre la fille du coin de la rue. Parce que c'est le couple, c'est quand même notre unité de référence intellectuelle. Et donc la sororité, c'est la revendication d'un effort pour se sentir égales les unes aux autres et de s'aider les unes les autres. C'est plus une lutte contre cet instinct premier dans le cadre patriarcal qui est d'être du côté des hommes. Et dernière question, Manon Garcia, est-ce qu'on peut penser... alors on a parlé de hiérarchie, de domination, on ne pourra pas se défaire d'une organisation politique qui présuppose une organisation avec des chefs et des dominés. Encore faut-il qu'il y ait une fluidité en fait dans cette répartition des rôles, des places et des tâches. Mais est-ce qu'on peut penser la politique en dehors d'une métaphore corporelle, physique, proche de la famille, en dehors de la filiation ? Frère, sœur, mère, matriarcat ou père, patriarcat. Je pense qu'en tout cas, on peut conserver une métaphore organique de cette idée du corps politique sans pour autant que ce corps politique ait nécessairement à être pensé dans un cadre familial. Il n'y a pas de raison que l'homme politique ou la femme politique soit un père de famille ou une mère de famille. Je veux dire, on voit ça très, très clairement avec Angela Merkel. Angela Merkel, elle ne se pose ni en père, ni en mère, ni en quoi que ce soit. Elle est chancelière. Voilà. On pourrait dire ça d'Emmanuel Macron aussi. Oui, mais Emmanuel Macron, il joue davantage sur cette idée, dans son idée du président très fort et qui est une espèce de garantie morale de la France, etc. Au contraire, lui, il rejoue cet héritage du président comme père des Français, quoi. Ce qui est très étonnant, étant donné son âge, on voyait mieux le général de Gaulle faire ça que Emmanuel Macron. Oui, puis il y a l'idée qu'il n'a pas d'enfant. Donc en fait, on peut aussi, on connaît un peu la vie privée des chefs d'État. Donc en fait, on a tendance à plaquer aussi ça sur une gestion du pouvoir. Oui, mais par exemple, Barack Obama, il a des enfants et il n'a jamais été dans une rhétorique comme ça d'être le père des Américains. C'était pas du tout l'idée, parce que ça ne rentre pas du tout. Ça ne marche pas du tout avec la culture politique américaine. C'est un truc, c'est quelque chose de très français, cette idée de conserver cette métaphore du pouvoir comme le pouvoir du père. Et je pense que c'est vraiment c'était la très grande force de Gaulle, qui était un peu le roi babar des Français, quoi. Parce qu'il a perdu aussi. Oui, oui, mais il incarnait quand même pendant très longtemps le père de la France. Donc, vive Angela Merkel. Vive Angela Merkel. Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai? Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Quoi, qu'on y croit ou pas, y'aura bien un jour où on n'y croira plus. Un jour ou l'autre, on sera tous papa, et d'un jour à l'autre, on aura disparu. Serons-nous détestables? Serons-nous admirables? Des géniteurs ou des génies? Dites-nous qui donne naissance aux irresponsables? Hein? Dites-nous qui? Tiens, tout le monde sait comment on fait des bébés, mais personne sait comment on fait des papas. Monsieur, je sais d'où on aurait hérité, c'est ça. Faut le sucer de son pouce ou quoi? Dites-nous où c'est caché, ça doit faire au moins 1000 fois qu'on a bouffé nos doigts. Hey. Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Papa outé de Stromae, comme une autre fin possible du patriarcat. Un grand merci à vous, Manon Garcia. Je rappelle le titre de votre ouvrage, à lire. On ne n'est pas soumise, on le devient, aux éditions Flammarion, chez Climat. Et puis on peut lire aussi Le contrat sexuel de Carole Pateman, dont on a parlé, aux éditions La Découverte, avec une préface de Geneviève Fraisse et une postface d'Éric Fassin. Et bien sûr, Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir, disponible en folio Gallimard. Et j'ajoute, bonne fête papa. Un grand merci à toute l'équipe des Chemins de la Philosophie. Elsa Le Saulnier, Anaïs Isbert, Colomba Grossi, Isis Jourda qui a préparé cette émission, Joseph Rouxel, Adèle Van Rett, Georges Kless à la lecture des textes, Thomas Beau à la réalisation avec à la prise de son Laurie Vachon. C'est la fin de cette série d'émissions sur le père, mais vous pouvez les écouter et les réécouter. Les frères Karamazov ou Comment tuer le père, Freud et le complexe d'Oedipe, Shakespeare et ses pères dans Hamlet et le roi Lear, et bien sûr l'émission d'aujourd'hui avec Manon Garcia sur la fin du patriarcat. Elles sont toutes disponibles sur le site de France Culture à la page des Chemins de la Philosophie. Rendez-vous demain avec Adèle Van Rett qui revient, et oui, pour un nouvel épisode de Profession Philosophe avec Souleyman Bachirdian. Et rendez-vous également sur les réseaux Facebook, Twitter et Instagram pour suivre les programmes et avoir toutes les informations de nos émissions.